gül tutarmak dizi sarmak. Plongé dans le noir avec eux, tout à ma petite histoire dans ma tête. Thank you.